Hironimo Ossaossa Ikoro, secrétaire général du Parti démocratique de Guinée équatoriale, a fait parvenir le message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le dessinateur note que tous les militants et partisans du Parti démocratique de Guinée équatoriale sont heureux de formuler les félicitations cordiales et sincères à son Excellence M. Kim Jong-un, au Parti du Travail de Corée et au peuple coréen, au nom de son Excellence M. Obiang Nguema Mubasogo, fondateur et président du Parti démocratique de Guinée équatoriale, à l'occasion du 15 avril marquant le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Il souhaite que le peuple coréen célèbre solennellement le jour significatif de naissance de son Excellence M. le Grand Leader.